Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on a décidé d'aller au cinéma à la rencontre des dinosaures. En fait, c'est Marie-Claude Dion qui nous plonge dans Jurassic Park pour savoir en fait si les dinosaures ont un brin de réalisme par rapport aux connaissances scientifiques. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Ce soir, je vais devoir commencer par une apologie. Oui. Parce qu'il faut pas se méprendre. Si je parle ce soir de dinosaures, c'est par pur intérêt personnel, parce qu'il faut pas rattacher les dinosaures à la recherche archéologique. Okay. C'est deux sciences là complètement différentes. Les dinosaures, en fait, sont le dada des paléontologues. C'est sûr que les disciplines vont se ressembler. Les deux, on fait des fouilles aussi. On essaie de chercher des vestiges qui sont enfouis dans le sol. Mais plus précisément, l'archéologie est axée sur l'étude des cultures, des restes des êtres humains du passé. On étudie les modes de vie du passé. Et je crois que j'ai quand même fait assez bien le tour là au courant des dernières... intervention semaine, que là, j'ai oui. fait là pour parler de l'archéologie, mais pour ce qui est de la paléontologie, elle va traiter de la vie en général dans les contextes géologiques qui sont beaucoup plus vieux, plus vieux que ceux qui concernent normalement la vie dite humaine. Les paléontologues vont accorder une attention particulière aux fossiles autant animal, donc entre autres les dinosaures, et végétal. Et ceci étant dit, je m'aventure alors sur ce terrain paléontologique pour vous parler des films Jurassic Park. Pour discuter dino, en vue du prochain film qui va sortir cet été, c'est le film Jurassic World. Et selon plusieurs paléontologues qui ont regardé la bande-annonce, elle n'est pas vraiment de bonnes augures pour la science. Entre autres, on ne représenterait peut-être pas les dinosaures d'une façon qui est exacte. Ah bon, tiens, si le film à venir ne fait pas office de représentation fidèle à la réalité, que peut-on penser du premier film qui est sorti en 1993? Est-ce que c'était mieux? Oui, dans un sens, on pourrait penser que c'était pire, mais il n'est pas si mal que ça, okay. En fin de compte, pour ce qu'on savait à l'époque. Oui, parce que les connaissances étaient moins avancées à l'époque. Exactement, mais elle représentait bien ce qui était connu à l'époque, donc les études dans les années 80. Mais c'est sûr que, bon, comme dans tout bon film, l'histoire est un peu romancée. Et de ce qu'on peut en dire, la discipline paléontologique, ou du moins les fouilles paléontologiques, sont un peu malmenées. Si on se rappelle les premières scènes du premier film, on nous amène sur un chantier paléontologique où se trouve beaucoup plus de sable que de roches. Et okay. Je m'explique. Et c'est pas correct? C'est pas correct. Parce que les fossiles de dinosaures se retrouvent dans les roches sédimentaires, des roches qui vont être dures, qui ont été créées par l'avènement et l'évolution des lacs, des rivières et des déserts, entre 245 millions d'années jusqu'à 66 millions d'années avant notre ère. Et l'outil numéro un d'un fouilleur ne sera pas un pinceau ou un balai, mais on va opter plutôt pour une pelle pour pouvoir okay. creuser dans la roche sédimentaire. C'est pas les mêmes matériaux, là. Exactement. Même pas comme outils. Un archéologue, exactement. Il va falloir aussi donner une petite attention particulière à la représentation des ossements de dinosaures, parce qu'ils sont rarement trouvés dans leur ensemble. On va trouver des petites parties. Donc, un squelette complet tel qu'il était montré dans le premier film, c'est plutôt rare. Là, okay. Il faudrait être chanceux d'en trouver un en sa qualité là, complète. En plus... Dans les premières scènes, on va voir un fouilleur qui va glisser son doigt à l'intérieur d'une narine d'un dinosaure pour le nettoyer. Mais ça, c'est un gros non-non à faire sur un site archéologique. Ah, okay. Parce que les fossiles, même ceux qui pourraient être aussi massifs qu'on pourrait penser comme un dinosaure, ne sont pas aussi durs que la roche. Le processus de fossilisation, en fait, va changer l'amalgame d'os calcaire en minéral qui va être moins dense puis ultimement moins solide. Plus fragile, c'est ça? Plus fragile. Fait qu'on peut pas mettre nos doigts comme on veut. Faut vraiment utiliser... OK. Fait que ça, c'était irréaliste. Exactement. Bon, c'est bien de le dire. Mais qu'est-ce qu'il y en est de la représentation des dinosaures comme telle? Faut savoir que dans la littérature et aussi au cinéma, il n'y a pas probablement pas de dinosaures plus importants ou plus représentés que le Tyrannosaure Rex. Et c'est le cas pour le film Jurassic Park. Là, c'est un grand antagoniste là, pour le film. Et on a appris il y a quelques années que la morsure du grand prédateur avait une force de près de 12 800 livres. Voilà. C'est énorme. Fait qu'une grosse pression comme ça sur une nourriture, ça paraît beaucoup. Et considérant les dommages que ça aurait eu ou infligée sur quiconque ou quoi que ce soit, sur sa proie. Les dinosaures qui sont montrés, là, en fait, le T-Rex qui est montré dans Jurassic Park, ça semble avoir été un petit peu doux comme attaque. Mais il faut aussi savoir que l'animal pouvait être quand même assez minutieux avec sa nourriture. Et je m'explique, il y a certains fossiles qu'on a retrouvés des carcasses, en fait, qui ont servi à sustenter les T-Rex, indique que ces grands dinosaures appliquaient une technique de dépeçage assez délicate et assez précise aussi. Malgré leur force. Exactement. Et le chercheur Denver Fowler et ses collègues ont démontré cette méthode-là par des traces de dents que le T-Rex avait laissées sur un crâne de tricératops. C'est assez, assez spécial. Et on sait maintenant que la puissance destructrice du tyrannosaure n'est pas isolée jusque dans sa mâchoire, justement. Elle est aussi contenue dans les muscles du cou, qui aurait joué un rôle assez majeur dans la capacité de tuer, mais aussi de manger sa nourriture, ses proies. Dans une étude de 2007, Eric Snively et Anthony Russell ont constaté que les muscles du cou du dinosaure étaient si fortes que le T-Rex aurait pu jeter un morceau de viande de 110 livres dans les airs, à 15 pieds, et le rattraper pour l'engloutir littéralement. Incroyable. Dans sa bouche. Et c'est une façon qui est bien différente de celle qui était représentée dans le premier film où ce qu'on voit l'avocat qui s'appelait Gennaro se faire secouer de gauche à droite là, avant d'être mangé par le tyrannosaure. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse du T-Rex? Était-elle aussi rapide qu'on l'a démontré dans le film? Mais si on se fie à la scène où on tente de s'enfuir en Jeep, on pourrait dire plus ou moins. Dans le film, le tyrannosaure ne bouge pas si rapidement qu'on le fait croire. C'est un peu un jeu des gars des vues, comme on dit. C'est ça. On peut facilement penser que l'auto file à 65 km/h, mais le dinosaure ne court pas parce qu'il y a toujours un pied à terre, en fait. Au niveau de sa vitesse de marche, on pense que ça pourrait se situer dans les environs de 15 à 25 km/h. Donc, selon les calculs du chercheur en biomécanique évolutive John Hutchinson, le T-Rex pourrait courir entre 25 et 40 km/h. Donc, ultimement, en voiture, les gens en Jeep étaient corrects, ils pouvaient très bien s'en tirer, mais à pied, il faut quand même avouer qu'on tenait peut-être pas aucune chance, là, par exemple. Oui, c'est un fait. Il y a sûrement pas que du mauvais dans ces films, non? Il y a sûrement des choses qui sont peut-être plus réalistes. Oui, quand même, parce que les gens ont fait des bonnes recherches aussi. Oui, j'imagine. On peut penser juste à l'auteur du livre, là, qui a pris forme d'un livre, c'est Michael Crichton. Je suis sûre qu'il a fait une bonne recherche pour écrire ses romans. Plusieurs chercheurs et paléontologues vont s'accorder pour dire que la représentation qui a été faite du T-Rex est quand même la meilleure à ce jour, là, compte tenu de tout ce qu'on pouvait savoir et ne pas savoir, parce qu'il reste beaucoup d'incertitudes à son sujet. Exactement. Les films présentent quand même assez bien les comportements de ce grand dinosaure, de ce qu'on croit là, être le cas, les soins des parents qui étaient accordés pour leurs petits et la chasse en famille aussi. On doit reconnaître aussi une certaine intention à donner au film une auréole scientifique. On nous livre quand même une façon assez ingénieuse et à consonance plausible de revoir apparaître les dinosaures sur la Terre. L'instant du film, par exemple. D'un autre côté, il s'agit juste d'un film, justement. C'est Jurassic Park a un cachet qui emprunte à la science, qui est assez différent des films de Land of the Lost ou Godzilla. Fait qu'on peut penser aussi que ça peut être très proche de la réalité, ce qui n'est pas le cas. Mm-hmm. On ne saurait être trop prudent et indiquer qu'il reste impossible de cloner des dinosaures. Exactement. Il y a un autre problème aussi qui est souligné par le paléontologue Thomas Holtz. C'est que le prochain film semble présenter les dinosaures tels qu'on les concevait dans les années 90. Ah bon? Okay. Et on a quand même une trentaine d'années de nouvelles connaissances là, qui ont apparu. La paléontologie a produit des nouvelles recherches puis a mis au jour des découvertes nouvelles. On n'a pas représenté encore le plumage des dinosaures, que ce soit sur le T-Rex ou autres dinosaures. On a un genre de petit dino-fosse, un genre de duvet, qui a été retrouvé sur plusieurs fossiles de dinosaures, mais qui n'a jamais été encore montré en image, parce qu'on ne sait pas trop non plus à quoi ça ressemblait. faut dire aussi que si on commence à mettre du plumage sur des dinosaures, ils vont peut-être avoir l'air un peu moins épeurants aussi. On va avoir l'impression que c'est des gros toutous, fait que ça, ça l'enlève. Oui, ça l'enlève un peu à la crédibilité de monstres très méchants. Et au final, il faut peut-être juste préciser que dans toute bonne science, il faut se tenir à jour des nouveautés, des découvertes puis des recherches inédites aussi. Ouais, c'est un fait. C'est pourtant fascinant cette évolution des dinosaures vers les oiseaux. Il y a, aurait sans doute des bons éléments à introduire dans des scénarios de films, effectivement. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, François. On va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on va se mettre à table avec Karine Gravel.